على أربعة أقسام. قال: أهل الإخلاص والمتابعة. أهل الإخلاص والمتابعة. ثم ذكر الإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، إلى الموت كما قال. ثم ذكر أن العمل الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر في هذه المسألة الضراب، وقال: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، من لا إخلاص له ولا متابعة. ثم قال في الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، فله إخلاص بلا متابعة. هذا بالعكس، له إخلاص بلا متابعة أو متابعة. والضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، فله متابعة بلا إخلاص، له متابعة بلا إخلاص. فذكر أربعة أقسام من الناس عند الإخلاص والمتابعة، عند الإخلاص والمتابعة. Donc on continue, inshallah, sur notre lecture du livre, de l'œuvre, le tawhid bénéfique à l'état pur. Et donc on avait terminé dans la dernière assise l'étude des quatre catégories concernant ou face à l'adoration et le suivi. On a appris dans les dernières assises que l'auteur, après nous avoir cité les quatre catégories concernant l'adoration et la demande d'aide, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », ensuite l'auteur nous enseigne que pour réaliser l'adoration, pour l'acceptation de toutes nos œuvres, il faut deux conditions. Il parle de « aslaini », de deux bases essentielles, deux éléments essentiels pour l'acceptation de toutes les œuvres. Et donc on avait expliqué, on avait dit que ça c'est le souci de tout croyant et toute croyante. Tout au long du cheminement, le croyant, ce qu'il désire, c'est l'acceptation de ses œuvres. Et ce qu'il espère, son espérance, c'est qu'Allah Azza wa Jal yataqabbal minhu, qu'Allah Azza wa Jal accepte de lui. C'est ça l'espérance de tous les croyants. Donc on œuvre et on espère qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. Donc ce sujet est immensément important. Pourquoi ? Pour l'acceptation des œuvres, alors il faut que l'action soit faite et accomplie avec ikhlas, et il faut al-mutaba'a. La sincérité, on a dit, est le suivi de la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est-à-dire le suivi du commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et donc de ce fait, ça on a dit, c'est la réalisation du premier pilier de l'islam, les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça c'est la réalisation du premier pilier de l'islam, les deux attestations. Et donc de ce fait, l'auteur, lorsqu'il a parlé ensuite de ces deux bases essentielles considérées chez les savants comme les deux conditions qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre et qu'il faut enseigner, les deux conditions pour toutes les bonnes actions, pour toutes les adorations. Il faut les accomplir avec sincérité et qu'elles soient en cohérence, en conformité avec la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur ensuite nous enseigne que face à cela, il y a quatre catégories. Quatre catégories. La première catégorie, ceux qui œuvrent avec les deux, avec sincérité et en suivant la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, ceux qui œuvrent sans sincérité et sans suivre l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bila ikhlas wa la mutaba'a. Ni non ikhlas, ni zon al mutaba'a. La troisième catégorie, ceux qui œuvrent avec sincérité, mais sans que leur œuvre soit en conformité, en cohérence avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième catégorie, ceux qui œuvrent avec des œuvres qui sont en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne sont pas sincères. Mais ils ne sont pas sincères. Donc ça, c'est en résumé ce qu'on a appris dans la dernière assise et ce que mentionne l'auteur. Dans le commentaire de cela, dans le livre Ifadat al-Mustafid, qui est l'un des commentaires, vous savez, les savants ont beaucoup servi ce livre dans le sens, en ce qu'on dit, Khidmat al-Kitab, Had al-Kitab ken Mahdoum. Mahdoum, c'est-à-dire servi dans le sens, beaucoup de savants ont pris cette œuvre, l'ont expliqué, ont clarifié l'essence. Et parmi les commentaires de ce livre, Ifadat al-Mustafid. Et donc, selon certaines ibarat qu'on avait appris, alors l'auteur parle et mentionne différentes catégories. Ces différentes catégories, comme on l'a dit, ont été dupées et trompées par Shaitan. Shaitan les a trompés. Et comme on a dit dans la dernière assise, on s'était fait le rappel, c'est pour ça qu'on a besoin de connaissances pour éviter justement les ruses d'Iblis, pour pouvoir parer, contrecarrer les ruses d'Iblis, parce qu'ils rusent, essaient de tromper les croyants. C'est pour cela que certains sont tombés dans des extrêmes, dans des formes d'exagération. Comme l'auteur ici souligne. Par exemple, il fait allusion à ceux qui adorent beaucoup, qui sont beaucoup dans l'adoration. Mais par contre, ils ne regardent pas, ils n'observent pas, est-ce que ces adorations-là sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ces adorations-là sont légiférées par le Créateur? Donc il y a une partie qui ont été trompées comme cela. Ils ont fait de grands efforts dans le domaine de l'ibada, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des efforts dans le domaine de l'ibada, mais eux, Shaitan les a fait tomber dans l'extrême et l'exagération, de sorte qu'ils œuvrent énormément, mais sans que leur action soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles sont vaines. Elles ne sont pas acceptées. Et d'autres, leurs actions sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais eux ne sont pas sincères. Ils œuvrent des actions à la sunna, wifq sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais leurs actions, elles ne sont pas sincère. C'est pour cela que les savants enseignent une règle très importante. Une règle qui est très importante, qu'il faut apprendre. Al-iqtisad fi sunna khair min al-ijtihad fi al-bid'ah. Al-iqtisad, faire peu dans la sunna, c'est meilleur que de grands efforts dans l'innovation. Ça, c'est une règle qu'il faut apprendre. Alors, je retrouve le passage. On va lire le passage de l'explication dans Ifadat al-Mustafid. Taïb. قال المصنف. Vous avez pu constater que dans الدرب الثالث, dans la troisième catégorie, l'auteur il dit من هو مخلص في أعمالي لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله سبحانه وتعالى فمنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. dans la troisième catégorie, quand l'auteur a fait allusion à ceux qui œuvrent avec sincérité, ils œuvrent, ils adorent le Créateur, subhanahu wa ta'ala, ils sont sincères dans leur culte, mais leur adoration, elles ne sont pas conformes aux enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est le cas de beaucoup d'adorateurs, de beaucoup de dévots. De beaucoup de dévots. Al-Muntasibina ila Zuhd. Et ceux qui faisaient apparaître beaucoup l'ascétisme. L'ascétisme. Ou al-Faqr et la pauvreté. Et qui ont délaissé cette vie d'ici-bas. Et se sont consacrés à l'adoration d'Allah. Jusqu'à même s'isoler. S'isoler du monde et se consacrer à l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ça c'était vraiment abondant, c'était énormément abondant, inda ahl al-tasawwuf wal-ghulat. Qala, li'annahum hum alladhina yuhdithuna al-bid'ah, wa in kanu mukhlisina lillahi 'azza wa jalla. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont joué un grand rôle, pardon, dans la propagation des innovations. Ils ont voulu adorer Allah, ils adoraient Allah Azza wa Jal avec sincérité, mais pas comme leur créateur voulait. Et ça, c'est apparu déjà dans les premiers siècles de l'islam. Déjà même à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les innovations, elles n'étaient pas que dans les convictions, aussi dans la manière d'adorer. Ils commençaient à avoir des innovations. Comme l'histoire qu'on avait relatée dans un sermon du vendredi, l'histoire de Abdallah ibn Mas'ud, lorsque Abu Musa al-Ash'ari est venu l'informer au sujet de gens qui invoquaient Allah Azza wa Jal, qui faisaient du zikr, du tasbih, de la glorification d'Allah Azza wa Jal, mais d'une manière innovée, dont les compagnons ne connaissaient pas. Et donc ça prouve que déjà, à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, certaines pratiques innovées commençaient à émerger dans le monde musulman. Et donc ensuite, ça a commencé à s'amplifier. Ça s'est amplifié. Et donc une partie de gens, à l'époque, déjà dans les premiers siècles, qui ont exagéré dans le domaine de l'adoration, on commence à vouloir adorer Allah Azza wa Jal sans que ces actions-là soient en conformité avec sa sunna. De sorte qu'ils ont été fervents, dévots, fil ibada, lakinnahum wa azharu zuhd. Ils ont mis en apparence l'ascétisme et le délaissement de cette vie d'ici-bas. Ils se sont isolés des gens, de sorte qu'ensuite, Shaitan les a fait tomber dans un piège. En s'isolant, comme l'auteur va faire allusion à cela, ils se sont isolés jusqu'à ce qu'ensuite, qu'ils se sont privés de la pratique de Salat ma'al Jama'a. Ils ont voulu s'isoler dans l'adoration du Créateur et ensuite, ils se sont même écartés des prières en commun. Jusqu'à même ensuite qu'il est rapporté, ils se sont écartés de Salat al-Jumu'a, de la prière du vendredi en commun. Pourtant, c'était des fervents dévots. Si vous lisez dans l'histoire, c'était des fervents dévots. Pour eux, ils faisaient bien. Et pire encore, ils étaient sincères. Dans le sens que l'auteur ici, c'est pas la sincérité qui remet en cause. Malgré que c'est Allah Azza wa Jal qui sait ce qui se trouve dans les poitrines. Mais ici, cette catégorie-là, c'est pas la sincérité qui remet en cause. Ils veulent adorer et vouer un culte pur au Créateur, mais selon leur voulu et leur désir à eux. Mais pas selon ce qu'Allah Azza wa Jal veut et a légiféré comme adoration. Faqala al-Shaykh fi kitabi fi sharhihi qala hum alladhina yuhdithuna al-bid'a wa in kanu mukhlisina lillahi walakinnahum ya'buduna Allah 'ala bid'a. Mais eux, ils adorent Allah comment? Avec l'innovation. Avec ce qu'ils ont innové comme innovation. Lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et Écoutez bien ce que l'auteur va dire. هذا كلام العلماء. قال وهم يريدون الخير ومقاصدهم حسنة ومقاصدهم حسنة. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le bien ou le mal? Ils cherchaient le bien. Mais maqasiduhum, il dit aussi hasana. Al-maqasid, c'est quoi? C'est al-maqsad, al-maqsoud. C'est quoi? C'est le désir, ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, eux, ce qu'ils recherchaient, c'était leur objectif, leur intention est bonne. De la même manière, à l'époque de Abdallah ibn Mas'ud, lorsque Abdallah ibn Mas'ud s'est rendu chez ces gens qui faisaient de la glorification, du tesbih, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien, c'est une adoration. Ils faisaient tesbih, ils glorifiaient Allah, ils disaient Subhanallah, ils faisaient tahlil, La ilaha illallah. Mais les compagnons, Abdallah ibn Mas'ud, lorsqu'il s'est rendu à eux, et lorsqu'il remarqua leur manière de glorifier le Créateur, il les a blâmés. Comment pouvez-vous faire cela alors que les compagnons du prophète ensemble sont toujours vivants? Il restait même des prestiges, des traces du messager d'Allah, ses vêtements au messager d'Allah. Il disait, comment pouvez-vous faire cela? Il les a blâmés. Pourtant, ils adoraient le Créateur. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Abdallah ibn Mas'ud? Et à Abdallah, nous, on voulait que du bien. Et la célèbre parole que dit Abdallah, qu'on peut écrire avec de l'encre d'or et mémoriser et apprendre, il leur dit wa kam min muridil khair lam yusibu. Et combien de gens qui ont voulu le bien, ils ne l'ont jamais atteint. Ça, c'est une parole qu'il faut apprendre. Combien de gens qui ont voulu le bien, ce bien-là ne l'ont jamais atteint. Pourquoi? Parce que si on recherche le bien, dans ce qu'Allah Azawajal, notre Créateur, n'a pas légiféré, on ne connaîtra pas et on n'atteindra pas ce bien-là. Et donc là, les savants ont déduit de cette parole de ce grand compagnon qui n'est pas n'importe quel compagnon. Abdallah ibn Mas'ud fait partie des grands érudits savants parmi les compagnons, dont le prophète, justement, avait faut trouver le terme exact, dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait l'éloge et des compliments de la récitation du Coran de Abdallah ibn Mas'ud. Vous allez vous dire, hey, na'am, mais c'est quelque chose d'immense. Le prophète reçoit la révélation. Et le prophète fait l'éloge de la récitation de Abdallah ibn Mas'ud. Lisez comme il lisait. Il était une référence. C'est-à-dire que dans la descente de la révélation, Abdallah ibn Mas'ud lisait le livre d'Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Et le prophète, c'est Jibril alayhi salam qui lui a enseigné. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans les ijaza, dans les transmissions, lorsqu'une personne ijaza d'un shir de Coran, l'ijaza souvent remonte à Abdallah ibn Mas'ud, qui était une référence aussi dans la récitation du livre d'Allah. Regardez, Abdallah ibn Mas'ud dit à ses hommes, et combien de gens qui ont voulu le bien ne l'ont jamais atteint. Les savants ont déduit de la parole de Abdallah ibn Mas'ud que la bonne attention donc ne suffit pas. Il faut la bonne attention, il faut aussi que l'action soit bonne. C'est pour cela qu'il faut as-sawab, al-ikhlas, il faut que l'action soit as-sawab, sawab, dans le sens juste et bonne, l'action. Donc la bonne attention ne suffit pas. Et d'ailleurs, plus tard, il est rapporté dans l'histoire que la majorité d'entre eux étaient dans les rangs de l'Khawarij. Donc il y en a qui ont un goût à l'innovation. Il y en a qui ont un goût à zéir. Ils ont un goût à ça, à l'errance, à l'innovation. Et donc eux veulent adorer leur créateur comme bon leur semble. Or, dans notre religion, on n'adore pas le créateur comme bon nous semble, mais on l'adore comme Allah Azzawajal nous a demandé et ordonné de l'adorer. فَقَالَ وَلَكِنْ هَذَا لَا يُغْنِي شَيْئًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُتَابَعَةِ للرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة وهذه قاعدة عظيمة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة والعمل القليل على السنة أحسن من العمل الكثير على البدعة. Pour ça, les savants disent que peu d'œuvres dans la sunna, qui sont en conformité avec la sunna du prophète, c'est meilleur que faire de grands efforts alors que les œuvres, elles sont innovées. فَالْعَمَلُ الْقَلِيلَ عَلَى sunna. Pour cela, ils disent, même si les œuvres, elles ne sont pas forcément nombreuses et abondantes, mais du fait qu'elles sont sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, أَحْسَنْ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى Al-Bida, c'est meilleur que de nombreuses œuvres et actions sur l'innovation. Et ça, c'est très important. C'est vrai que on le relate souvent. Et c'est vrai que les savants enseignent cela. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Combien de gens qui ont connu la sunna, combien de gens qui étaient attachés à la sunna, et avec le temps, on ne sait pas. Demain, vous pouvez tendre l'oreille, entendre une ambiguïté, l'ambiguïté pénètre et s'infiltre dans le cœur, et ensuite la personne n'arrive pas à s'en défaire. Combien de nos frères, on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri, une ambiguïté, et où qu'elles sont nombreuses en ces temps, et la personne ensuite, il commence à dévier du chemin. Et ensuite, il va commencer à adorer son créateur, avec des choses innovées. Donc personne n'est à l'abri de Al-Bida. Wa khasatan fi zaman al-fitan. Fi zaman al-fitan. Aujourd'hui, beaucoup de choses qui se produisent dans le monde nous laissent comprendre que l'arrivée de l'antéchrist, Messie Dajjal, est proche. D'ailleurs, déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'arrivée de l'antéchrist, le prophète annonçait qu'elle était proche. Donc l'arrivée de l'antéchrist est proche. Pourquoi c'est l'une des plus grandes fitnas, les plus grandes épreuves pour les croyants? Parce que beaucoup de croyants vont délaisser leur croyance. Aujourd'hui, ils sont croyants, demain, ils ne seront pas croyants. Ils vont mécroire en Allah Azza wa Jal. C'est une fitna qui va faire tomber les gens dans Al-Kufr. C'est pour ça qu'elle est très grande. Et c'est pour ça que le prophète Anselm l'a craigné pour sa communauté. Et le prophète Anselm a comparé l'épreuve de la tombe avec l'épreuve de l'antéchrist. C'est une épreuve qui est immense, une des plus grandes épreuves qui va s'abattre sur les hommes. Pourquoi elle est immense pour les croyants aussi? Parce que la majorité des gens vont le suivre. Même des gens qui étaient croyants, qui croyaient en l'unicité d'Allah Azzawajal, qui croyaient en Allah Azzawajal, beaucoup ne seront pas épargnés. Et c'est pour cela que, lorsque on apprend, il faut implorer Allah Azzawajal, al-thabat. Il faut implorer Allah, al-thabat. Surtout à l'époque où c'est adhar, kathratul fitan. Qala, wa sha'nu laysa fi ibadatillahi faqat. Donc l'affaire, toute l'affaire, ce n'est pas dans l'adoration seulement. L'individu ne doit pas regarder juste le domaine de l'adoration et se dire « moi je suis un dévot », s'il est dévot. Mais l'affaire, toute l'affaire, c'est de regarder est-ce qu'il accomplit cette adoration avec sincérité et est-ce que cette adoration, elle est conforme. Et regardez, beaucoup de gens de la communauté aujourd'hui, ils font des actes, ils se fatiguent, ils font de nombreux efforts à travers des œuvres qu'on ne connaît pas. Ni le prophète les a enseignés, ni les ulamas exhortent à cela. Ils se sont inventés des œuvres. Et ils adorent Allah Azza wa Jal avec ces œuvres. Et si tu leur recommandes la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si on parle d'innovation, on dit « hadihi bid'ah », tout le monde se fâche. Les gens ne veulent pas entendre parler de « al-bid'ah ». Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire. فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ عِبَادَةَ اللَّهِ فَقَطْ بل المقصود عبادة الله كما أراد الله عبادة الله كما أراد الله يعني كما شرع الله وليس المقصود أنك تتعبد وتعمل بل المقصود أنك تعبد الله على حسب وعلى وفق أمره وشرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو القدوة وقد أحالنا الله عليه في كل عمل قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et c'est pour cela que les savants nous disent que l'affaire n'est pas seulement d'adorer, mais l'affaire c'est d'adorer le Créateur comme Allah Azzawajal veut qu'on l'adore, comme on l'a cité précédemment. Et donc de suivre l'exemple, celui qu'Allah Azzawajal nous a mis comme guide et exemple. Le guide et l'exemple, c'est le messager. C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez dans un verset, dans le verset 21 de Sourate Al-Ahzab, lorsqu'Allah dit, vous avez, à travers le messager d'Allah, uswatun hasana, l'exemple, le modèle. Donc Allah nous dit que le messager d'Allah, c'est le modèle à suivre. C'est l'exemple pour tous les croyants. C'est le guide. Mais il dit pour une partie de gens, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِيَوْمَ الْآخِرِ. Pour qui? Pour celui qui veut Allah et le jour dernier. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui veut Allah azza wa jal et le jour dernier, si c'est ça qu'il convoite, alors le messager d'Allah, c'est le guide. C'est l'exemple même. On ne trouvera pas un meilleur exemple, ça veut dire, que l'exemple et le modèle du messager d'Allah. Et remarquez que on voit que la croyance en Allah et la croyance au jour dernier est encore liée ici, est liée dans ce verset, comme dans des hadiths, dans de nombreux hadiths. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut falyukrim dhayfa. Par exemple, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien mais qu'il se taise, qu'il honore son invité, par exemple, qu'il soit bon avec son voisin, par exemple, que celui qui croit en Allah et au jour dernier. Souvent, la croyance au jour dernier est citée de manière conjointe avec la croyance en Allah. Pourquoi? Parce que celui qui croit en Allah, ça implique qu'il se prépare pour le jour dernier. Ça implique qu'il se prépare pour le jour dernier. Et en réalité, cette vie d'ici-bas, il faut toujours se faire le rappel, on le sait. Mais dans la vie de tous les jours, il faut toujours se le dire, cette vie d'ici-bas, en réalité, on a été créé pour l'adoration d'Allah, donc pour se préparer pour l'au-delà. Cette vie, c'est la préparation pour l'au-delà. Et ça, tous les ulamas sont unanimes. Qu'Allah Azzawajal nous a créés pour l'adorer et on est dans la préparation de l'au-delà. C'est pour cela que celui qui pense qu'il va vivre une vie sans épreuve, sans obstacle, qu'il ne devra pas endurer, patienter, alors il n'a pas compris dans quelle vie il vit. Puisque c'est la demeure de l'œuvre. C'est pour ça qu'il y a des épreuves. C'est pour ça qu'il y a des difficultés à surmonter. Parce que cette vie-là, c'est une vie de lutte. Puisque Allah Azza wa Jalla nous dit, il a créé l'homme, fi kabad, pour une vie de lutte. La personne, il lutte sur lui-même. Il patiente. Il adore son créateur. Il se prépare pour l'au-delà. Et de grands savants ont dit, celui qui a compris cela, lui va connaître le bonheur. Tandis que celui qui n'a pas compris cela, il ne connaîtra jamais le bonheur. Il ne connaîtra pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il va être perturbé. Il sera éprouvé ici-bas. Il devra endurer. Il devra patienter. Il devra lutter contre lui-même. Contre ses passions. Et donc, la personne qui est consciente de cela, que cette vie, c'est une vie de lutte, dans le sens qui doit patienter, qui doit endurer, et c'est la préparation pour l'au-delà. Et cela confirme le dire, lorsqu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Matassa'a, à quand est-ce que l'heure ?» Et le prophète lui a dit, « Et qu'as-tu préparé pour celle-ci » Qu'as-tu préparé pour celle-ci ? Vous savez, ça peut venir très vite. Ça peut venir très vite. Vous savez, tout le monde parle de crise financière ou autre. Certains voient ça loin ou proche. Il n'y a qu'Allah qui sait. Mais vous savez, la modernité, le confort dans lequel vous vivez, vous savez, du jour au lendemain, ça peut changer. Votre vie, la vie peut changer du jour au lendemain. Donc parfois, nous, on s'appuie sur des causes, mais on ne sait pas. C'est pour cela que le prophète Sansem nous dit « Kun fit dunya ka anna kararibun aw abiru sabil » Soit dans cette vie d'ici-bas comme un simple passant, un étranger, un simple passant. Et le confort là qu'on est en train de vivre, vous ne savez pas. Ça peut partir du jour au lendemain, plus vite que vous pensez la situation. Si demain Allah Azzawajal décrète que les situations changent, elles changent. Vous savez, même de grands spécialistes, des non-croyants, ils le disent, du jour au lendemain, ça peut devenir le chaos. Alors celui qui s'est attaché à cette vie d'ici-bas, celui qui s'est attaché à son confort, et nous on se fait le rappel puisqu'on l'est, celui qui dit qu'il ne l'est pas, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Il faut dire la vérité. Il faut s'avouer la vérité. Il serait auprès des ulamas, auprès des savants. Il serait dans son village d'origine. On est attaché au confort. Celui qui est attaché à cela, du jour au lendemain, il perd ce confort. Quelle va être sa réaction? C'est pour ça l'importance vraiment d'être attaché à son Créateur et d'adorer son Créateur et d'apprendre à connaître son Créateur et d'être en préparation pour l'au-delà. C'est ça. Et c'est pour cela que قال العلماء le meilleur exemple était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, regardez, le prophète, comment est-ce qu'il a éduqué ses compagnons? Il les a éduqués comme cela. Malgré qu'ensuite, beaucoup de choses se sont ouvertes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a toujours gardé, du début à la fin, vous avez vu, la même vie. Malgré qu'ensuite, vous avez vu, des trésors se sont ouverts au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les trésors ensuite ont été exposés aux compagnons. Vous avez vu comment le prophète a toujours été dans la même situation. La même ligne. Il a toujours été dans la modestie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, vous avez vu, ont suivi le prophète, ont été éduqués auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cette manière. Qala ash-shaykh. C'est pour cela que le croyant qui apprend ensuite, il sait comment adorer son Créateur. Nuwasil. قال المصنف رحمه الله تعالى والضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين كالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة للمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. La dernière catégorie, comme on l'avait, comme le stipule l'auteur, alors c'est ceux qui œuvrent et leurs œuvres sont conformes à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils œuvrent pas sincèrement, c'est pas pour Allah. Donc ils font des œuvres pour qu'on dise d'eux. Ils font des œuvres par ostentation, pour qu'on dise d'eux. Il apprend, il enseigne pour qu'on dise de lui cela. Il fait le pèlerinage pour qu'on dise de lui de cela. Yuqatil pour qu'on dise de lui cela et cela. La yakun hada lillahi azza wa jal. Et ce n'est pas pour le créateur. Falam ya'murin. Falam yu'mar an-nas illa bil ibadati 'ala al-mutaba'ati wal ikhlasi fiha wal qa'im bihima hum ahl iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regardez, il conclut d'une manière très pertinente. Il dit donc, l'homme n'a été que commandé, pardon, d'adorer le créateur avec ces deux choses. Al-ikhlas wal mutaba'a. La sincérité et que notre œuvre soit en conformité avec la sunna du messager d'Allah. Et il dit, celui qui accomplit cela, ce sont ceux-là, les gens cités dans le verset, qui sont en conformité avec le verset, « Iyyaka na'budu » et ils sont véridiques lorsqu'ils disent cela, « Iyyaka na'budu » ou « Iyyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons et de toi nous implorons l'aide. « Iyyaka na'budu » ou « Iyyaka nasta'in » ثم قال. Donc là, on a fini avec les quatre catégories concernant l'ikhlas ou le mutaba'a. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف. Et là maintenant, l'auteur va continuer à nous évoquer différentes catégories de dévots. Et c'est très pertinent. Et il continue à nous évoquer cela puisqu'il nous enseigne vraiment le sens de « Iyyaka na'budu » ou « Iyyaka nasta'in ». Et comme on l'avait dit, l'auteur s'inspire du livre justement d'Ibn Qayyim et de propos d'Ibn Qayyim. En l'occurrence, le livre célèbre d'Ibn Qayyim, « Madarij as-Salikin », qui est fondé et basé sur le verset « Iyyaka na'budu » ou « Iyyaka nasta'in ». Et donc l'auteur s'inspire beaucoup de cela. Et c'est très pertinent. Regardez. Il dit « Thumma ahlu maqami iyaka na'bud ». Ensuite, les gens qui réalisent « Iyaka na'bud », c'est toi que nous adorons. Ahlu l'ibada, les dévots, les fervents dans l'adoration d'Allah. « Lahum fi afdali l'ibadati wa anfa'iha wa ahaqiha bil ithar wa tarsisi arba'atu turuq. » وهم في ذلك أربعة أصناف قال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها وأشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة والأجر على قدر المشقة وروى حديثا ليس له أصل حديث ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها وأشقها وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجر على النفوس قالوا إنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال والتحمل والمشاق. Regardez, l'auteur, c'est très pertinent. Il va nous citer différentes catégories de dévots. Puisque là, maintenant, il va parler de Ahl Maqam Iyyaka Na'bud. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous citer quatre voies. Et selon cela, il va nous citer quatre catégories. Donc écoutez bien, il va nous citer quatre turuq, quatre voies. Et selon cela, il va nous citer quatre catégories. Et pourquoi l'œuvre, elle est très pertinente? Pourquoi? Pourquoi l'auteur choisit ce sujet? Ce qu'on a évoqué depuis le début de la lecture et de l'étude de cette œuvre. Puisque nous, notre vie, l'objectif de notre vie, c'est d'adorer le Créateur. Donc l'auteur nous parle de l'adoration. Al-ibada. Iyyaka na'bud. On a été créé pour cela. Et comme c'est votre souci, et souci de tout croyant et de toute croyante, d'adorer le Créateur, puisque les croyants entendent le verset d'Allah Azza wa Jal, « Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa li'abudun » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc pour nous les croyants et les croyantes, pour nous les musulmans, on vit dans cette vie d'ici-bas. Allah a mis à notre disposition plein de choses licites pour jouir de ces choses. Cela est permis, sauf qu'on a été créé pour son adoration. Et donc, depuis les premières générations, les musulmans savent qu'ils ont été créés pour l'adoration. Sauf que beaucoup se sont trompés dans le comment adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est la voie véritable, l'adoration véritable que le Créateur accepte. C'est très pertinent ce que nous enseigne l'auteur. Puisque notre souci à tous, c'est d'adorer le Créateur. Alors, regardez ce qu'il dit. ثم أهل مقام إياك نعبد. Écoutez bien. Ensuite, les gens de إياك نعبد qui accomplissent le verset, c'est toi que nous adorons. Il va citer quatre manières d'adoration avec quatre catégories de gens, selon de dévots, si vous voulez. Et il dit la première, sinful awwal, le premier genre. عندهم أنفع العبادات وأفضلها. Pour eux, les adorations. Pour eux, les adorations les plus utiles, les plus profitables, c'est lesquelles? أشقها على النفوس. C'est l'adoration la plus pénible. La première catégorie qu'il va citer, le premier genre, c'est ceux qui considèrent que l'adoration la plus profitable et la plus bénéfique, c'est celle qui est la plus pénible pour l'âme. Al-Nafs. Qalu wa as'abuha. Qalu li'annahu ab'adu al-ashya min hawaha. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit celle qui est pénible pour l'âme, c'est celle qui va donc être la plus éloignée du hawa, de la passion de l'individu. Et déjà 19h. Subhanallah. Parce que là, on voyageait avec la parole de l'imam al-Maqrizi de Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Vous avez vu, c'est la réflexion de le savant qui date de siècles. Vous avez vu la ni'ma à cette époque, avec une langue étrangère, on peut se faire, parce qu'on se fait le rappel, avec des paroles de grands imams de la nation. Tfaddal, ya Cheikh. Taïb, on termine, inshallah. Donc, concentrez-vous bien. C'est un enseignement qui est très pertinent. Donc l'auteur nous cite différentes catégories de dévots qui sont fervents dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Différents chemins, différentes catégories. Le premier genre qu'il va citer, c'est ceux qui considèrent que l'adoration, وَهَوْلَا أَهْلُ مَقَامْ إِيَّكَ نَعْبُدَ, c'est les gens qui veulent concrétiser, c'est toi que nous adorons. Enfin, الصنف الأول, c'est ceux qui considèrent que l'adoration la plus utile, la plus bénéfique, c'est celle qui est أَشَقُّهَا وَأَصْعَبُهَا, c'est celle qui est vraiment pénible. Plus l'adoration elle est pénible, lourde pour l'âme, plus celle-ci, elle est bénéfique. Parce qu'ils considèrent, cette catégorie-là, considère que plus l'œuvre est pénible, plus la récompense est grande. Et plus la récompense, elle est élevée. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, lorsque l'auteur cite cette catégorie-là, en disant qu'eux, ils considèrent que aussi, que plus l'adoration elle est lourde, elle est dure, asabuha ou ashakuha, et donc plus, eh ben, elle est loin de la passion de l'homme et de l'âme. Donc ça veut dire que cette adoration là, elle est enfer, c'est la plus bénéfique. Mais est-ce que cela est vrai? Allahu a'lam. Moi pour moi, Allahu a'lam. Donc je suis obligé de revenir, de lire là. Ce que disait le Mashir. Regardez dans l'explication d'un grand savant contemporain. Parce que même moi, je suis comme vous, je me pose la question. Regardez ce qu'un grand savant contemporain dit dans Ifadat al-Mustafid. Il dit, cette catégorie-là, que l'auteur cite, هذا الكلام فيه نظر. Cette réflexion-là, il dit, elle est à revoir. فيه نظر. Et lui-même, Shir, il va rapporter ce que dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur cette question. Vous avez vu, à leur époque, il y a des siècles de cela, ils traitaient cela, pourquoi? Parce que c'était dans la société. Sachez, pour bien comprendre le contexte de grands imams des époques précédentes, c'était des sociétés qui étaient très croyantes. À l'époque, le Shem, Damascus, c'était des sociétés qui étaient très croyantes. Le contexte est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont, comme on l'a dit, c'est le matériel qui compte. Les gens sont beaucoup attachés à la dunya. Sachez qu'à l'époque, les gens, même si l'hérésie était propagée dans les sociétés, mais les gens étaient vraiment religieux. Ils croyaient, ils étaient énormément croyants dans ces sociétés-là. Donc, c'est pour ça que ça, c'est des sujets qui étaient traités. Imaginez-vous, c'est très rare aujourd'hui. Des gens, des grands dévots, fervent dans l'adoration, qui recherchent l'adoration la plus bénéfique, alors ils vont vers l'adoration, les actes les plus durs et les plus pénibles pour l'âme, et considèrent que c'est la plus forte. Vous avez vu, c'est pour vous, pour reconstitutionnaliser le contexte hein, de l'époque. C'était des dévots. C'est des gens vraiment qui étaient dans l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit précédemment, des gens parfois qui se coupaient du monde, qui s'isolaient du monde. Ils étaient dans un coin et ils adoraient Allah Azza wa Jal. Et donc on a dit avec exagération. C'est l'exagération. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Et là regardez, Cheikh Islam Taymiyyah, le Cheikh de l'Islam, il disait que la parole, le fait de dire que la meilleure adoration, أنا أفضل الإبادات أشقها, c'est la plus pénible et la plus dure, وما فيه تعب كثير على النفس, et que c'est l'adoration qui va procurer le plus de fatigue pour l'être, pour la personne, هذا فيه نظر. Le Cheikh de l'Islam dit, ça, il y a une réflexion à avoir sur cela. Il dit, لأن الأفضل العبادات, parce qu'il dit, la meilleure des adorations, c'est pas celle-ci. Vous savez ce qu'il dit? C'est quoi la meilleure des adorations? Alors, dis-moi. Non, tu l'as dit. Tu as dit quelque chose. Naram, toi, t'as dit quoi? Dès que j'ai entendu savoir aussi, ilm ou... Et qui dit quoi encore? Attention, c'est pas pour vous. Si j'interroge, c'est volontaire. On parle de généralité, hein. Sohaib. Redis-moi, j'ai pas compris. Ouais. Qui dit encore? Là, on ne parle pas de quelle est l'œuvre en elle-même, l'œuvre, la meilleure œuvre, dans le sens, est-ce que c'est la prière, le jeûne, le péché? C'est pas ça la question. L'œuvre d'une manière générale, l'adoration meilleure, est-ce que c'est la plus pénible, la plus dure pour l'âme, ou bien c'est quoi l'œuvre la meilleure? Pourquoi je vous ai posé la question? La réponse a été dite. Pourquoi je vous ai posé volontairement la question? C'est pour qu'on puisse se faire son autocritique. La question de l'adoration, c'est le but pour lequel on vit. Donc si, par exemple, ça, on n'avait pas la réponse, ça veut dire qu'on a besoin d'ilm. Ça veut dire que les choses primordiales, on ne les maîtrise pas. Ça veut dire que les choses primordiales, on ne les maîtrise pas. C'est comme les frères, ils ont dit. Assalamu alaykoum. Le cheikh des Sommes, il disait, la meilleure adoration, c'est l'adoration sincère. Tout simplement. Regardez ce qu'il dit. Afdal al-ibadat huwa akhlasuha lillah. Tout simplement. La meilleure des adorations, c'est l'adoration la plus sincère. Alors, ça veut dire que si par exemple une personne y fait une adoration très dure, très lourde pour l'âme, et une autre personne y fait une adoration simple, mais celle-ci, elle est sincère. Et l'autre y fait quelque chose de thaqil. Al-Nafs, Fiyah Mashaqqa, très dur. Si elle n'est pas faite sincèrement, elle n'est en aucun cas comparable avec l'action qui est faite sincèrement. Regardez, je vous laisse juste écouter la parole du Cheikh. Léanna afdal al-ibadat huwa akhlasuha lillahi azza wa jal. Wa qad yakun al-amal shaqqan, walakinahu la yakbaluhu Allah. Parce que l'action, elle peut parfois être pénible, immensément pénible, mais le Créateur la yaqbal. Le Créateur n'a pas accepté. Faqala, kalladhi ya'mal bil bid'ah. Comme celui, par exemple, qui œuvre avec des innovations. Son œuvre n'est pas acceptée. Et l'œuvre peut être sarbe, elle peut être dure et difficile, mais celle-ci n'est pas acceptée. Qala, fa ahlul bid'ah 'indahum ta'b wa 'indahum mashaqqa wa 'indahum tafashshu wa 'indahum ahraman. L'innufus, lakinnahum ala ghiri huda. Et c'est pour ça que beaucoup font des œuvres dures pour l'âme, mais cette œuvre n'est pas acceptée. Donc, ce qu'on considère, ce qui est considéré, c'est pas la dureté, la pénibilité, la complication, mais ce qui est considéré, c'est qu'elle soit faite, c'est l'ikhlas. L'ikhlas. C'est ça qui est considéré. On a dépassé le temps. On continuera, inshallah, si Allah nous le permet. Fi yaumirad. في حلقة قادمة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك